Saint-Michel pour faire tomber la neige. Fais rire la demoiselle, tourne comme un manège. Oublie tous tes tracas, fais l'impasse sur les cons, considérant qu'il y a autant d'ânes que de moutons. Sinon, tu peux prendre la file, faire la queue comme un chien, suivre le troupeau qui pile sur deux mains. Redresse la tour de Pise, change les habitudes, mets les doigts dans la prise, prends de l'altitude. Profite du carnaval, va chercher tes voisins, invite-les au bal, oubliez le turbin, le turbin. Rangez-vous deux par deux, tout le monde se pousse pour faire la queue, tout le monde s'éclate à la queue leu-leu. Va ranger tes pantoufles, ça sent le renfermé. Trouve-toi un nouveau souffle, refais-toi la santé. Tes poumons se remplissent de rires et de chansons. Deviens feu d'artifice ce soir, c'est réveillon. De chaque seconde, mets les bouchées doubles, ne rentre pas dans la ronde de Monsieur Tout le Monde. Sinon, tu peux prendre la file, faire la queue comme un chien, suivre le troupeau qui pile sur deux mains. Sinon, rangez-vous deux par deux. Tout le monde se pousse pour faire la queue, tout le monde s'éclate à la queue leu-leu. Tout le monde s'éclate à la queue leu-leu.